T'avais les joues roses d'un bébé, les yeux bleus comme tes cheveux. J'avais le cœur comme un beignet, les mains aussi seules que mes pieds. Et tous les jours à la même heure, quand le soleil nous appelait, au fond de la cour avec les fleurs, on écoutait les fées chanter. Nous étions deux. Chercher la mienne et que nos lèvres se trouvaient, qu'on était bien sous le vieux chêne parmi les roses et le muguet. Tous les romans, tous les poèmes ne pourront jamais se douter que deux enfants, que deux je t'aime peuvent entendre leur cœur se parler. Nous étions deux. Bien s'arrêter.